penser à toi toute la nuit. Pourquoi tu me fais ça? Je sais tu m'aimes pas. Pourquoi tu me fais ça? C'est bizarre, c'est que tu m'aimes pas. Moi tes larmes j'ai essuyé. C'est pas ma faute, j'ai essayé. Dis-moi qui t'en veut. Je l'ai baissé morveux. T'es avec ta chérie. Tu m'as oublié, je sais que tu l'aimes pas. Faut pas te forcer, je sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer, je t'explique même pas. J'en ai des nausées, je pète un câble. Ça vaut exploser, je sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer, je sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer, je t'explique même pas. J'en ai des nausées, je pète un câble. Ça vaut exploser. Je me suis tiré les cheveux, mauvaise nouvelle. Pour toi frérot, je fais un vœu. Tu me calcules plus, je suis dégoûté. Avant ensemble on s'écoutait. Avant on était soudés. Les gens veulent nous voir sous terre. J'étais là quand tout allait. J'étais là quand tout allait pas. Y'avait les flics qu'on cavalait. On était toujours contre les temps. Tu me vois comme un étranger. Tu cherches à te venger. Tu me vois comme un étranger. Pourquoi tu cherches à te venger? J'sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer. J'sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer. J't'explique même pas. J'en ai des nausées. J'pète un câble. Ça vaut exploser. J'sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer. J'sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer. J't'explique même pas. J'en ai des nausées. J'pète un câble. Ça vaut exploser. J'sais que tu m'aimes pas. Faut pas te forcer. J'sais que tu m'aimes pas.